L'agence de presse TASS et le journal Moskovsky Komsomolets de Russie, l'agence de presse UPI des États-Unis et celle japonaise Kyodo ont rapporté en détail le 26 mai le résumé de l'entretien du bureau politique du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée.